Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le manifeste des 343. Le mot avortement était le mot le plus tabou de la langue française à l'époque, qu'on ne le prononçait pas, et que donc nous avons obtenu par la publication de ce manifeste qu'en 24 heures, le mot avortement, qui était caché, chuchoté parce qu'il faisait peur, devenait enfin un vrai sujet de société. L'écrivaine Claudine Monteil, l'une des signataires du manifeste des 343, dans une entrevue qu'elle accorde à l'AFP en novembre 2014, à l'occasion du 40e anniversaire de l'adoption de la loi Veil qui va légaliser l'avortement en France. Lorsque le Nouvel Observateur publie le 5 avril 1971 le nom de 343 femmes qui affirment publiquement avoir défié la loi française en subissant un avortement, l'impact est immédiat, le tabou autour de l'avortement éclate et le mouvement qui va conduire quelques années plus tard, à la légalisation de l'avortement en France, est lancé. Vous ne vouliez pas avoir d'enfant? J'ai un enfant. Je ne voulais pas avoir celui-là. Et puis c'est tout. Et je pense que j'avais absolument raison. Et je pense surtout que je n'avais à demander l'avis de personne là-dessus. Moi, c'était, même au-delà de ça, c'était que, étant une personne aisée de la bourgeoisie française, j'avais des relations et que je n'ai même pas eu à payer. Ce qui est vraiment le comble du privilège, si on veut. C'est même pire dans un sens que si j'avais payé très cher. Je n'ai pas souffert du tout parce que ça a été fait dans des conditions excellentes. Et moralement? Et justement, alors moralement, je n'ai rien ressenti du tout. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis tout à fait criminelle, sûrement, de voir les choses aussi froidement, mais c'est comme ça que je les vois. L'actrice Delphine Seyrig, au micro de Madeleine Gobeil, à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en février 1972, en témoignant de sa propre expérience de l'avortement, Delphine Seyrig explique pourquoi elle a signé le manifeste des 343 pour nous raconter la petite histoire de ce manifeste, pour nous rappeler aussi l'énorme importance qu'il aura eu ce manifeste. Je reçois l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle importance il va avoir, ce manifeste, Éric? Fondamental, puisqu'on considère que c'est littéralement l'acte fondateur pour la lutte en faveur de l'avortement en France. Donc, c'est vraiment là que tout a commencé. Les historiens vont parler d'audace, d'une initiative transgressive féministe. On va parler des répercussions importantes, beaucoup dans cette émission, et pour cause, puisque par la suite, ça a initié un mouvement et un changement dans l'opinion aussi. Oui. C'est important, ça aussi. Le manifeste des 343 va très vite devenir le manifeste des 343 salopes. Oui. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce titre n'apparaît pas. Donc, c'est dans le Nouvel Observateur, 343 femmes qui prennent la parole pour dire « j'ai avorté, j'assume ce que j'ai fait et je demande de contrôler moi-même mon corps ». Or, des hommes à Charlie Hebdo vont appuyer ce combat-là, mais vont décider de rajouter une petite touche subversive. Lorsqu'on connaît Charlie Hebdo, on n'est pas étonné. Et on va parler de ce manifeste-là en disant qui a engrossé ces 343 salopes. Malgré le ton très machiste de ce que je viens de déclarer, dans les faits, ils soutiennent le combat. Absolument. C'est cynique, c'est ironique comme lecture. C'est cynique et ironique, et on connaît bien le côté satirique de ce journal. Le problème, c'est que dans une perspective féministe, et on peut le comprendre, ces 343 salopes ont déclassé le titre original, et ces femmes se font encore, 40 ans plus tard, appeler salopes. Or, dans une perspective féministe, évidemment, c'est triste, et ça dénote toute l'inégalité de traitement entre un pamphlet masculin et un pamphlet féminin et les conséquences qui en découlent. Avant de s'attaquer à l'histoire du manifeste comme tel, peut-être rappeler un peu le contexte dans lequel il est publié. D'abord, sur le plan légal, Éric Dussault, que prévoit la loi française en matière d'avortement au moment où le manifeste est publié? Bien, en fait, il faut revenir en arrière. Dans l'après-Première Guerre mondiale, il y a une loi, celle de 1920, une seconde loi, celle de 1923, avec précisément un article qui s'appelle l'article 317. En fait, c'est carrément de la répression de l'avortement, à la fois pour celles qui veulent l'obtenir, en bénéficier, mais aussi les personnes qui pourraient être tentées de commettre l'acte. Oui. Et même toute propagande, toute provocation, incitation à l'avortement et pénalisé. On peut être pénalisé via des amendes, par le biais d'amendes, mais aussi l'emprisonnement. Oui. Et pour les médecins, infirmières, toute profession médicale qui peuvent être concernées par ce sujet-là, si elles se font prendre, on perd le droit de pratiquer son métier. Et au fil du temps, les lois se succédant, l'étau va se resserrer. Les peines et les amendes seront de plus en plus sévères. Oui, tout à fait. Et j'ai oublié de préciser, et c'est important, pourquoi ces lois sont adoptées après la Première Guerre mondiale. Tout simplement la démographie. 1,4 million de morts du côté français après la Première Guerre mondiale. Les gouvernements d'après-guerre sont fortement natalistes. Oui. Il s'agit de se prémunir contre un retour éventuel des Allemands, qui sont toujours 20 millions de plus que les Français. Donc, il y a cet aspect-là. Et deuxièmement, ben, il faut régénérer la race française, puisque dans l'après-guerre, on parle du déclin de la France, de la dégénérescence de la race. Alors, on est dans cette idée-là. Et ça va perdurer, ces lois vont perdurer jusqu'en 1971 et voilà. Donc, c'est là où on en est. Ça, c'est pour le contexte légal. Un mot sur la réalité dans laquelle se font ces avortements. Est-ce qu'on sait combien il y en a à l'époque, Éric Dussault, puis surtout, dans quelles conditions ils sont pratiqués? Ça m'apparaît, comme historien, assez difficile à chiffrer. On parle en général de 250 000, 300 000 avortements par année, avec 250 décès en lien avec ces avortements. Rappelons-le, le mot est important, clandestin, fait dans des conditions évidemment difficiles qui peuvent être très dommageables pour la possibilité d'enfanter ou même de mourir au moment de l'opération. Donc, l'évaluation des chiffres, c'est difficile puisque c'est clandestin. Mais on s'était entendu en 1966 lors d'une première évaluation autour de 250 000 par année. Et en 1974, l'Assemblée nationale se fait dire par Simone Veil qu'on parlait de 300 000 femmes par année. Dans tous les cas, c'est toujours une femme de trop. Là, tout à l'heure, on a entendu, et je suis étonné, une femme qui parle froidement de ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire l'avortement en tant que tel. Or, on ne peut pas dire que ce sont toutes les femmes qui ont réagi de cette façon-là. Un avortement, surtout dans ce contexte-là, est traumatisant. Mais, puis on va y revenir, ce que faisait valoir Delphine Seyrig, c'est évidemment qu'elle a bénéficié de conditions exceptionnelles. Puis ça fait partie de l'équation, l'espèce de double mesure. Toutes les femmes ne sont pas égales à cette époque-là. Il y a des avortements. Il y a des femmes qui viennent de milieux aisés, comme Delphine Seyrig, qui bénéficient d'avortements dans les meilleures conditions, mais la grande majorité n'ont pas accès, justement, à cet avortement. Dans tous les cas, il est illégal, l'avortement, mais il y a comme une hypocrisie où on tolère dans la bonne société ces pratiques d'avortement, alors qu'elle est officiellement condamnée pour l'ensemble de la population. Revenons au manifeste, Éric, le manifeste des 343. Qui en a l'idée? Dans quel contexte il est publié? Il y a deux journalistes du Nouvel Observateur, Jean Moreau et Nicole Muchnik, qui sont derrière ça, qui disaient « ce serait bien que vous lanciez un manifeste avec des vedettes ». De quoi on parle? On parle du mouvement de libération des femmes. Ce sont elles qui sont approchées. Et les femmes sont d'accord pour défendre cette cause-là, de l'avortement libre, de l'appropriation du corps des femmes par les femmes. Par contre, le mouvement de libération de la femme est très scindé en deux clans pour ce qui est de l'utilisation de noms de vedettes. Oui. Puisque pour donner encore plus d'éclat, et je vous rappelle que 1971, c'est les médias de masse là, qui ont déjà une importance dans la société française, pour marquer le coup, on veut absolument utiliser des vedettes avec des noms comme Françoise Sagan, Marguerite Duras, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. Vous voyez, c'est pas les moins connus. Sauf qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais ce n'est pas une affaire de vedette, cette affaire-là, c'est la femme, peu importe sa classe sociale, qui est concernée ». C'est pour ça qu'on va carrément affronter cette équipe du Nouvel Obs qui veut se limiter à des vedettes pour dire « on va aussi faire signer monsieur, madame tout le monde qui est concerné ». Il ne faut pas oublier l'époque dans laquelle on est. Le MLF, le Mouvement de libération de la femme, est assez campé sur la gauche. Le Nouvel Observateur lui-même, pour ces femmes-là, c'est le représentant de l'establishment, des grands médias. Bref, ça brasse. Et c'est dans ce cadre-là où il y a ces remises en question du MLF sur cette démarche du Nouvel Observateur. C'est dans ce cadre-là que Simone de Beauvoir entre en jeu. Quelle importance et quel rôle elle va jouer? Elle va être très rapidement contactée par le MLF, dont je parlais tout à l'heure. Elle va donner son appui, c'est sans surprise lorsqu'on connaît son histoire, à cette initiative. Et c'est elle qui va avoir la responsabilité de rentrer en contact avec les vedettes. Oui. Avec son carnet d'adresse. Avec son carnet d'adresse, évidemment, c'est la personnalité féminine de l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Ce sera son rôle. Évidemment, elle aussi est signataire. Alors, toutes les femmes qui ont signé peuvent subir potentiellement des conséquences puisqu'elles se placent dans une situation d'illégalité en déclarant avoir subi un avortement. Alors, il ne faut pas minimiser ça non plus. Oui, elle contribue par son rayonnement, mais elle s'engage concrètement aussi comme femme. On l'écoute justement, Simone de Beauvoir, sur ce petit débat dont on parlait autour de qui doit ou pas signer le manifeste. Est-ce que ce doit être que des femmes très connues ou non? Si ça doit être plus large, elle est au micro de Madeleine Gobeil, Simone de Beauvoir, à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en 1972. Le manifeste a été signé par des femmes qui avaient des noms assez connus. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire scandale? Certainement pas, mais il y avait une volonté d'attirer l'attention sur ce manifeste et sur cette déclaration. Alors, évidemment, l'attention est plus attirée si vous avez des noms qui sont un peu connus que si vous n'avez que des noms inconnus. Ceci dit, on a beaucoup exagéré la notoriété des personnes qui ont signé, parce que mettons qu'il y ait une quarantaine de noms qui soient ou très connus ou assez connus, il reste qu'il y en a 300 qui sont complètement ignorés. Et en fait, moi, j'ai vu signer autour de moi des employés, des secrétaires, des ménagères, des tas de femmes qui n'ont pas du tout un nom. Et c'est tout à fait injuste de dire que c'est un manifeste, c'est une poignée de privilégiés qui ont pu s'offrir des avortements et que c'est très facile pour elles. D'une part, c'était facile de le faire et ensuite, c'est facile de le dire. C'est faux, il y a des quantités de femmes qui ont fait ça dans des conditions extrêmement pénibles et qui le disent en courant un certain nombre de dangers d'ordre professionnel, par exemple. Qui signe finalement ce fameux manifeste, Éric Dussault? Au-delà de celles qu'on a parlé, on va évoquer toutes ces femmes anonymes qui l'ont signé. Et j'entendais Simone de Beauvoir rappeler ce qui est un fait. Certaines d'entre elles vont payer de leur personne, puisque si elles ne sont pas poursuivies légalement pour ce qu'elles ont fait, elles vont, dans leur milieu de travail, notamment celles qui sont dans la fonction publique, parfois être licenciées, être mises à pied, et même parfois avoir des contrats qui ne sont pas renouvelés. Mmh. Et ça va marquer aussi l'histoire de ce manifeste, puisqu'on va accuser les initiatrices de ne pas avoir pensé à ces anonymes qui ont payé de leur personne, ouais, mais pas de la façon dont on l'avait prévu, c'est-à-dire on pensait qu'elles allaient être poursuivies. Or, ça s'est fait de façon plus insinueuse, en quelque sorte, puisque c'est dans le milieu du travail directement que les conséquences ont été ressenties. Ouais. Gisèle Halimi, qu'on va entendre, qui est avocate, va justement se préoccuper de ces femmes-là. Il y aura une organisation qui sera créée pour en assurer la défense, les protéger, ces signatrices plus anonymes. Parce qu'il faut le dire, les intouchables, les grandes vedettes, les grands noms, et c'est le génie en même temps du manifeste, c'est que certaines femmes, donc, c'est pas rien, admettent en signant ce manifeste avoir subi un avortement contrairement à la loi, un avortement illégal, mais il y a là-dedans des femmes que la justice n'attaquera pas parce qu'elles sont très connues. Ça, c'était le coup de génie. Gisèle Halimi, donc, parle de ce coup de génie, mais aussi de ce souci de protéger et de dénoncer, au fond, l'hypocrisie entre celles qui peuvent bénéficier d'avortement, même s'il est illégal, et toutes les autres qui vont parfois perdre leur emploi, effectivement, pour avoir signé ce manifeste. Il y a le fait que je suis avocat et que j'ai plaidé moi-même dans des procès d'avortement et je me suis rendu compte que s'il y a un domaine où la justice n'est pas la justice, mais véritablement le domaine de la justice de classe, où la répression ne frappe que certains et pas d'autres, c'est bien celui de la loi contre l'avortement. On ne poursuit toujours que les mêmes femmes ou les mêmes hommes. Mais les femmes, les étudiantes, les concierges, les secrétaires, ce qu'on appelle les petites gens. Dans le procès, je disais récemment dans une radio française, j'ai montré un document officiel où il y avait une liste de personnes poursuivies, il y avait une quatrième catégorie de femmes qu'on n'avait pas poursuivies en raison de leur profession, parce que leur numéro de téléphone et leur adresse correspondaient à celles d'un magistrat, d'un avocat et d'un grand médecin. Je trouve que c'est intolérable. Et que par conséquent, s'il y a un domaine où la loi doit bien être légale pour toutes, c'est celle-ci. Il ne faut pas perpétuer une justice de classe, il faut la supprimer, cette législation. Ça, c'est fondamental dans cette bataille du manifeste des 343, Éric Dussault. Bien sûr, liberté de choix, rendre possible l'avortement aux femmes, sur la question du principe de liberté de choix, mais plus que ça, sortir de ce double standard, de cette hypocrisie, que toutes les femmes aient le même accès à un avortement sécuritaire. Oui, et plus tard, le combat, ce sera de l'obtenir gratuitement. Oui. Parce que ça, c'est une chose d'obtenir le droit à l'IVG, comme on dit en France, interruption volontaire de grossesse, c'en est une autre de l'obtenir gratuitement. Il va falloir attendre 2013 pour ça. Qu'est-ce qu'il dit? De fait, on ne l'a pas encore dit. Qu'est-ce qu'il dit, ce fameux manifeste? Ce manifeste, il dit « j'ai avorté, J'exige d'avoir un contrôle sur mon propre corps. J'exige que l'État ne se mêle pas de ça, puisque ça me concerne. C'est fondamental, ça peut avoir l'air banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'est très, très, très important. Et c'est surtout de dénoncer un archaïsme. Puisque vous l'avez dit, c'est important de le répéter, toutes les femmes ou presque connaissent quelqu'un qui l'ont subi l'avortement clandestin ou elles-mêmes l'ont connu. Ça fait partie des choses dont on ne discute pas publiquement, mais que tout le monde connaît. Donc, il y a comme un décalage entre la réalité quotidienne des femmes et ce que la loi leur réserve. Et dans ces années 70 où le féminisme est important, il s'agit d'abord et avant tout d'une prise de parole féministe et d'une réappropriation d'un corps féminin. Dans ce contexte des années 70, comment est accueillie la publication de ce manifeste? C'est assez phénoménal. J'ai du mal à recréer l'impact que ça a eu, mais la rapidité et l'impact est fondamentale. Il faut savoir que le Nouvel Observateur, c'est 350 000 copies vendues à chaque édition. Déjà, ça donne une idée. Ensuite de ça, c'est repris par tous les autres médias à l'échelle nationale, donc française, mais aussi à l'international. Donc, ça rayonne partout. Plus, on l'a dit, il y aura un retournement là, un peu machiste de ces 343 qui vont devenir salopes, qui va redonner encore là de l'impact à ce manifeste-là. Et il y aura aussi un détournement de ce manifeste. Des hommes, d'autres femmes vont se l'approprier pour d'autres causes. Donc, il y a une postérité aussi dans le combat féministe ou même masculiniste, on pourrait dire. Et c'est surtout que ça va enclencher par la suite des manifestations féministes et il y aura toute une série de contre-manifestes qui vont découler de ça, où médecins, hommes, femmes vont se prononcer sur la question. Mm-hmm. Et la population française elle-même passe de 22 à 55 de la population en un an à être favorable pour que cet avortement-là se réalise dans de bonnes conditions et gratuitement. Donc, c'est dire le changement, c'est plus du double et demi de personnes qui sont en faveur. Tout ça parce que publiquement, on en parle, alors qu'avant, c'était sous la couverture. Et les médecins, évidemment, la profession médicale se sera divisée, mais il y a un groupe de médecins, en 73, 343 médecins qui vont signer un autre manifeste et qui reprennent la même technique des intouchables, des médecins que l'État ne poursuivra pas, mais comme ces femmes plus connues qui avaient, quelques années plus tôt, dit « j'ai subi illégalement un avortement », ces médecins défient l'État. Au fond, c'est un geste qui place, qui met en échec le système légal français en disant « il y a, vous le disiez, mais des avortements, ça existe, et nous vous disons publiquement que nous en sommes, comme femmes ou comme médecins qui a pratiqué ces avortements ». Oui, et il faut rajouter qu'ils vont à l'encontre de l'Ordre des médecins qui considère l'avortement comme un homicide. L'Ordre des médecins s'est prononcé sur le nom des femmes signataires. On les a traitées de mauvaises catholiques, l'Ordre des médecins de France. Alors, ils sont doublement coupables puisque leur propre ordre professionnel est contre. Ouais. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, comme les femmes précédemment citées, se trouvent dans une situation intenable au niveau juridique puisque ils admettent avoir commis un acte illégal. Mais évidemment, ça place, encore une fois, le gouvernement français dans une position intenable. Des femmes connues, d'autres moins connues, des médecins avouent ouvertement défier la loi française. Ce qui fait que Valéry Giscard d'Estaing va confier ce dossier à sa jeune ministre, Simone Veil. Il lui dit « Préparez-moi une loi sur la légalisation de l'avortement ». La loi Veil va être adoptée le 28 novembre 1974. On écoute Simone Veil défendre sa loi à l'Assemblée nationale. Le débat va être très, très virulent à l'Assemblée nationale. Simone Veil qui défend sa loi à l'Assemblée nationale française le 26 novembre 1974. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Quelle importance aura Simone Veil, Éric Dussault, dans l'adoption de cette fameuse loi du 28 novembre 1974, la loi Veil? Il faut dire que le mandat qui lui a été donné, elle a été chanceuse, puisque Giscard d'Estaing lui donne le mandat, et je cite, de créer un projet de loi sur la libéralisation de l'avortement. Donc, le mandat est clair. Oui. Lui, il considère que c'est intenable, la situation telle qu'elle est là, et Simone Veil, en 1974, va travailler là-dessus. Oui. Par contre, c'est important de le dire, on ne l'a pas évoqué, lorsque s'est adoptée cette loi, après 25 heures de débat, 284 députés pour, 189 contre, eh bien, à ce moment-là, on parle d'une situation temporaire. Et 5 ans plus tard, en 1979, on va finalement décider de la prolonger, oui, cette loi, et de la libéraliser encore. Mais au départ, c'est temporaire. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Bien, c'est une dérogation limitée qui autorise les femmes dans certaines circonstances précises. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce ne sont pas toutes les situations. C'est dans un cas de semaine, c'est dans la même cas de figure que Morgenthaler ici, là. Donc, ça prend un certain nombre de semaines avant de pouvoir faire l'intervention. Donc, c'est très encadré, mais si on respecte ces règles-là, on peut procéder à l'IVG, comme on le dit, l'interruption volontaire de grossesse. Oui. Et à partir du 1er janvier 1980, le manifeste, sa réalisation concrète 9 ans plus tard, c'est ça, c'est l'adoption de cette loi. Donc, il y a un lien direct entre le manifeste des 343 en 71 et en 1980, la publication officielle de la loi à l'Assemblée nationale. Cette loi de 74, il faut dire qu'elle va s'inscrire dans... Il y a un grand brassage, un déblocage, en fait, sur les questions féminines à ce moment-là en France. Elle va s'accompagner, cette loi-là, de l'adoption de nombreuses autres mesures favorisant l'égalité entre hommes et femmes. Oui, c'est dans un contexte plus large. L'entrée des femmes dans des professions de plus en plus diversifiées, on arrête de les cantonner dans ce qui est traditionnel, déculpabilisation des mères qui sont en activité professionnelle, mixité dans les concours de la fonction publique, tout ça l'air anodin, mais c'est un combat de longue haleine. Interdiction de rédiger des offres d'emploi sexistes et de refuser l'embauche d'une femme sous un prétexte d'ordre sexuel. Le divorce par consentement mutuel est autorisé. Alors, c'est quand même une période où la femme, en France, voit sa vie concrètement et quotidiennement modifiée. Éric Dussault, historien, habitué et ami de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.